Le porte-parole du comité de mesures extraordinaires pour sauver les victimes de l'enlèvement forcé de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 21 aux questions du correspondant de l'Agence hydrographique centrale de Corée. En voici le résumé. Ces derniers jours, les autorités sud-coréennes ont refusé la demande de la rencontre des formations progressistes de toutes les couches sud-coréennes, notamment le Rassemblement des avocats pour une société démocratique et de l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies, avec nos citoyennes enlevées collectivement, sous prétexte de la sécurité personnelle des familles et des victimes, et d'autre part, pousse les Vauriens à prétendre qu'une fois publiées les femmes réfugiées volontiers, leurs familles au nord seront en danger. Prétexter la sécurité personnelle des familles et des victimes, c'est un sophisme impudent visant à empêcher le dévoilement de la vérité de l'enlèvement collectif impardonnable et une conspiration infantile pour ternir l'image de notre République prestigieuse. Comme il est révélé complètement à travers la dernière conférence de presse accordée à l'espion du centre de renseignement sud-coréen que nous avons arrêté, les autorités sud-coréennes séduisent ou enlèvent nos habitants avant de les conduire en Corée du Sud pour en faire la désertion volontaire du Nord en s'affairant à la campagne conspiratrice anti-République populaire démocratique de Corée. Quoique les autorités sud-coréennes isolent nos citoyennes kidnappées de l'extérieur et recourent à tous les moyens, rien ne peut camoufler leur nature abominable de terroristes internationales et groupes de criminels contre les droits de l'homme. Nous prendrons toujours des mesures actives pour dévoiler foncièrement la vérité de l'enlèvement collectif des autorités sud-coréennes et réaliser jusqu'au bout le rapatriement de nos citoyennes.